puissante. Le temps, c'est le sang, l'homme, l'histoire, puis ainsi de suite, jusqu'à... Chaque pied de vigne est un univers. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain, mais sais-tu, toi, de quoi hier était fait? Je ne parle pas d'aujourd'hui. De sens et de lumière.